Oh, il y a Jamy. Ouais, bonjour. Ça va? Ça va bien, oui, et vous? Ça va, tranquille. Bon, franchement, alors c'est Pyongyang City Rockers qui démarre avec non seulement Jamy et puis la grosse voix. Avec Thibaut. Oui, mais aussi... Avec Célia. Célia, parle plus fort. Bah, comme d'hab. Faut que je monte le micro. Ouais, et là, il y a fond, hein, je pourrais rien faire de plus. C'est la 364e de cette émission, et puis, une fois n'est pas coutume, on aura des invités absolument pas habituels en la personne, en les personnes d'une équipe de Kawaii Molotov. Alors, tout là, en fait. Devant, mais qui est-ce? Pour parler, entre autres, et surtout, du concert qui a lieu ce samedi au CCL. On en reparlera tout à l'heure. Attends, ne t'emballe pas, parce que sinon, si on dit tout maintenant, après, on n'aura plus rien à dire. Il est que 20h et même pas 2 minutes. Alors, non, c'est sûr. J'entame avec une sortie qui date d'hier. C'est Canteleu. Canteleu, c'est le nouveau nom de Goodbye Horses. Ouais, t'as vu. Pourquoi changer Canteleu, tu crois que c'est comme ouais. L'arène métro à côté de chez nous. Je me dis que ça peut être rapport avec le lieu de résidence d'un des membres du groupe. Peut-être. Je sais pas. On va savoir. Faut pas le dire. Qu'ils font chanter des loups. Ouais. Ou alors ils font chanter des loups. Et puis alors si vous avez le temps, si vous n'avez pas envie de rester chez vous pour écouter Pyongyang City Rockers, vous avez le temps encore d'aller à la Malterie ce soir pour les voir. Ils ouvrent le concert de ce soir avec Plo, groupe de Novosibirsk qui fait de la cold wave. Que je trouve personnellement un peu molle, mais enfin bon, voilà quoi. Cette saison en même temps. On a beau être punk, quoi. Mais pour moi, des doomers de Sibérie, ils ont, le froid n'agit pas sur eux. Plutôt, oui. Ça les énerve, quoi. Tu vois. Non. Ça les excite, quoi. Voilà, ah voilà, tu sais, ils restent accroupis comme ça dans le froid, puis ils s'énervent comme des fous, quoi. Mais non, pas là. Pas là. C'est quand même bien plot, mais bon, enfin, voilà. Bon, bref. Moi, je préfère Canteleu, enfin, Goodbye Horses, Canteleu maintenant. Et donc, les voici avec le titre éponyme. Canteleu. Je voulais le passer. Canteleu sur leur démo, qui est disponible dès maintenant et depuis hier sur leur banque en Canteleu. We'll be right back. Sepia, Fade Out, oh, et oui. Tout. Ouais, bon, ouais, ça le fait. Hein, ah ouais, ça le fait. Le, ouais, bien. Hein. Ouais. Ouais. Donc ce soir à la Malterie. À fond. Allez-y, ou alors restez ici, je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Ça va, Célia ? Bah ouais, toi. moi, je vais vous parler de Problem Child. C'est un projet solo d'un Lillois, mais je ne sais pas qui. Je n'ai pas réussi à trouver qui. Sûrement un fan d'ACDC, parce que le nom du projet, c'est un titre d'une chanson d'ACDC, et que la deuxième sortie s'appelle Back in Black. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Il y a des indices. Est-ce qu'il y a un canon sur fond noir sur la pochette ? Non, mais c'est tout noir. J'ai vu passer, ça, c'est bien. Et du coup, c'est cool. Je sais pas c'est qui, mais c'est chouette comme projet. J'ai pas beaucoup plus d'infos que ça dessus. Les morceaux n'ont pas de. Il y a un Bandcamp, oui. Oh. On peut aller écouter. En fait, le Back in Black, c'est une deuxième sortie, 10 ans après la première. Et les morceaux, ils n'ont pas de nom, ils s'appellent juste hashtag 1, hashtag 2. Ouais, aucun indice, alors on ne sait pas où c'est enregistré, par qui. Non, il y a juste mixé, écrit un projet solo fait pour s'amuser, pour les potes. Ok. Moi je dis que c'est Juju, moi. S'il dit bâtard plusieurs fois, c'est lui. Bah non, c'est pas ça. Du coup, j'ai choisi de passer les morceaux 7 et 8 de Problem Child. C'est à 20h. Mais oui, c'est 20h l'antenne. Il a cru que c'était 21h en fait. On est en train de régler nos histoires d'invités qui arrivent en retard. Et pendant, c'est bien Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6. Et nous sommes au numéro 364 de cette magnifique émission. Qui commence à 20h. Pour certains. Et puisque nos invités ne sont pas au complet, bah on va continuer de passer des trucs à nous. Hein. Ouais. À Jamie. C'est mon tour. Et c'est ton tour, si tu veux bien. Moi, je vais passer le nouveau Comintern Sect, Avoir 20 ans, ouais, issu du 4 titres Sur les ruines des nations. Ouais. Et voilà, on va écouter et ça. Puis, et puis, ne pas oublier que c'est le dernier Comintern, parce que vu que Karl gravement malades. Oui. Ça serait très étonnant qu'ils arrivent encore à sortir quelque chose après ce disque-là. Bref. Soutien. Soutien à Cam. Et ça va être un beau vinyle aussi. Et puis, sorti entre autres chez Dirty Punk Records. Dirty Punk Records. Voilà. Yes. Comme interne. Oui. Allez. Bravo. Bisous, Gaël. T'as vu, hein, c'est bien fait. Ouais. Bonsoir, Gaël. Et puis, on espère que ça ira mieux, parce qu'apparemment, là, en ce moment, tout le monde, enfin tous ceux qui travaillent parmi nous, ils se font tuer au boulot. Quoi. Ah ouais. Boulot. Ouais. Tiens, parce que là, toi, je t'ai pas ouvert ton micro, parce que t'es bien vilain depuis le début. Ça y est, l'invité manquant est arrivé. Bonsoir. En fait, il nous faisait croire qu'il était à Pétaouchnok, et en fait, il était juste devant. Là, j'attendais juste qu'on m'appelle, tu vois. Sinon, si j'arrive à l'heure, je casse une réputation. Il casse une réputation, ça c'est sûr. Alors, Kawaii Molotov, c'est bien, c'est une affaire qui marche, on dirait. Ça roule encore, ouais. On aime bien participer comme on peut à faire tourner des copains et à continuer de faire vivre tant que faire se peut une vie alternative lilloise. Yes. Jusqu'ici, tout va bien, mais... Tant que le CCL est encore ouvert. C'est ça. Il y a un petit rétrécissement quand même du nombre de salles qu'on peut utiliser, où on peut aller. On a envoyé nos dossiers de subvention au Bistro Cinso, bizarrement, ils n'étaient pas très d'accord. Ouais. Faites des deux compris. Ouais, de ouf, 100%. Et alors maintenant, vous avez combien de salariés, Cowboy? Salariés, on est à 8 en CDD, 4 en CDI interne, on a 3 services civiques et 2 services nationaux universitaires, universels. C'est ce qu'on... Ouais, on fait aussi de la self-défense, ouais, et un peu de, ouais, et puis de cours d'éducation civique patriotique, ouais, etc. Et en plus, on peut les fouetter, ceux-là. Donc c'est ça on peut les fouetter, ouais, si elles sont consentantes, d'accord, consentantes. On reste quand même dans un truc un peu... Et subvention de la mairie de Lille Subvention de la mairie de Martine. Martine nous file de l'argent de poche tous les mois directement, mais en liquide, ouais, du coup. En liquide uniquement. C'est très bien. Bon, non, en fait, hein, tout ce qu'on vient de dire, c'est... Chez des conneries. C'est des conneries, hein. Non, hein. Kawi Molotov, vous n'êtes même pas déclaré association, vous êtes une association de fête, c'est ça? Association de fête, oui. Ouais. Association de fête, bah, ouais. Ouais, parce que justement, samedi, ça va être la fête. Une bande organisée, on peut appeler ça aussi, apparemment. Ouais. Circonflexe. Une bande organisée, bah oui, mais tous ceux qui font des trucs sont en bande organisée, forcément. Mal organisée, voilà, mais... C'est ça. Ouais. Bon, mon club de belote et mon club de pétanque, c'est des bandes organisées, quoi. C'est ça. C'est... Tu mets carte sur table comme ça directement. Ben ouais, bien sûr. Et puis avec les boules de pétanque, ça peut servir, hein, des fois. Bon, enfin, on en parlera hors antenne. Donc, samedi, qu'est-ce qui se passe? Allez. Mazette. Alors, du coup, il y a un concert. Donc, du coup, qui va être en soutien aux familles palestiniennes exilées. On reviendra là-dessus juste après. On a un groupe de Saint-Étienne qui nous avait contacté il y a un petit bout de temps. Parce qu'on a, on est proche. Enfin, il y en a un. Un pote à nous qui s'appelle Capu, qui est assez proche du milieu stéphanois, a priori, vu qu'on avait fait jouer un groupe de Saint-Etienne l'année dernière, Onde de Choc. Et là, du coup, c'est un groupe ska, ska tendance punk quand même, hein, Los Casos, qui nous, ouais, viennent... Voilà. C'est carrément punk, quoi. C'est du ska-punk. Hein. Ouais, enfin, c'est du ska-punk, complètement. Carrément. Et elles sont 7 sur scène. Là, c'est celle, vous allez voir, on va faire un truc entre spectacle de punk et spectacle de contorsionnisme. Oui, oui, ils vont jamais rentrer sur la scène. On va trouver des solutions. Ça va marcher. On va casser les murs. On va stocker tout le public dans l'escalier ou quoi? C'est ça. Ce sera un concert escalier. Et ouais, non, Los Casos qui viennent, qui sont en tournée, qui joueraient le lendemain à Liège, la veille dans le coin du Stéphanois. Et c'est cool parce qu'effectivement, le lien se fait pas mal avec Saint-Etienne. Saint-Étienne qui est une région post-industrielle, industrie minière aussi énormément. Une région crassière. Qui ont aussi un club de foot avec crassière, un bon public. Et justement, ouais, qui ont des gros tas de charbon, qui ont le toupet d'appeler ça des crassiers, alors que tout le monde sait qu'on appelle ça un des terril. Un terril. Un terril, voilà. Non, on dit pas le L, on dit terril. On dit un terril, voilà, un chaud terril. Et non, vers là-bas, ça appelle ça un crassier, du coup on aura les débats samedi. Mais non, c'est bien cool, on a fait du lien là-bas, on a déjà joué un peu à la gueule noire et tout, et c'est cool de faire du lien entre les différentes salles autonomes, autogérées comme ça, qui permettent de diffuser notre musique non commerciale sans avoir à galérer avec des contrats, etc. Et faire ça bien, ça nous fait bien plaisir d'accueillir Los Casos. À fond, à fond, à fond. Puis il y aura aussi les Belges, les Enfants Perdus, voilà, qui existent depuis une paire d'années aussi. Mais ouais, ça fait plus de 20 ans. Carrément, punk, punk à boîte à rythme. Punk sans concession. Sans concession, à Pogo, ça va être cool. Première fois pour moi, puis on est invité... je l'ai rencontré il y a pas longtemps, super. Puis dans le cadre de violence banalisée aussi, on va jouer avec eux au BNR dans pas longtemps. Donc voilà, amitié bon, ouais, à construire, à muler. À muler, son blaze c'est muler, c'est pas trop bien. Elles n'ont pas mulié. Et on leur passe le salam parce qu'il y a possiblement qu'elles écoutent l'émission. Et du coup, on est aussi grave content d'ajouter les Enfants Perdus à la prog. Je trouve que ça collait pas mal avec l'idée un peu qu'on a à Kawaï de faire autant de la musique et des trucs musicalement qui vont chercher un peu partout que rester sur une base assez militante et claire dans ce qu'on veut faire passer dans nos soirées. Je crois que les Enfants Perdus, ça collait grave bien avec ça. Là, Sinoc, ouais, il est pressé d'aller boire un coup, donc il balance tout son baratin maintenant. Comme ça, après ça, on aura plus rien à dire, on passera de la musique jusqu'à 21h. Mais non, parce que comme tu le sais, moi je viens de Radio Campus, de Boomerang, où on a le droit de picoler dans le studio. Mais je sais bien. Et dès que je viens à Radio Campus, j'ai l'impression de. Je me sens. Non, mais elle est pas ouverte, ça va, dis. Et de toute façon, moi je suis j'ai la double appartenance, double nationalité. 89.7.6. Non, oh, 99. RCV aussi, on peut boire dans le studio. Je suis désolé, hein, y a un truc là. C'est vrai. Je comprends pas pourquoi là-bas c'est autorisé, puis ici non. Ici, peut-être qu'il y a eu trop de déboires ici. Il y a dû y avoir des problèmes. À force de boire, on a des déboires, oui, tout à fait. Bizarrement, il y en a qui sont plus à campus. Mais force quand même à toutes les radios et indépendantes. Alors on a oublié d'annoncer encore deux à Donf. Deux choses. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Yas Body qui va ouvrir la soirée, donc avec son psychédélique funk. Encore un inconnu. Furieux, là. Yas Body, ouais, carrément. Puis c'est l'occasion de. Parce que la dernière fois, effectivement, il y a eu un petit quiproquo. Il devait. Il y avait peut-être. Il y en a qui pensaient que ça allait peut-être jouer à la MDE. Bref, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Du coup, c'est l'occasion de. Du coup, c'est l'occasion de se rattraper. Et, tu vois. Et finalement, là, c'était le 11 octobre dernier, je me souviens bien. Vous faisiez un truc à la MDE. Puis ici, on a fait Yas Body dans le hall. Contre-soirée très intimiste. Mais il y a eu des transfuges aussi. Il y a eu des gens qui venaient de là-bas qui sont, qui sont arrivés ici. C'est le but. Et dès qu'ils sont partis d'ici, qui sont allés là-bas. C'est quand même incroyable. Bah ouais, c'est quand même beau. Hein. Il y a moyen de faire des choses sur cette faculté quand même, c'est incroyable. Je crois que certaines personnes nous laissent les faire. N'expo. Et ouais, donc. Fais attention. Donc voilà, ça va commencer. Voilà, on espère commencer aux alentours de 21h, mais bon, on sait comment ça se passe. Mais venez quand même à 21h. Oui, mais j'ai pas fini. Donc, Yas Body, 21h. Et on va enchaîner après sur un DJ set de folie avec Roby 80s. Donc, pour info, ce mec, c'est aussi mon coloc. Il a un système son, il est complètement dingue. Un vieux système son Bose des années 80, voilà, qu'il a tout retapé lui-même. Il va venir avec ça pour son DJ set. C'est carrément du ouais, c'est une forme, ça va être une expérience de ouf en vrai. Et il va jouer, donc lui il est très très reggae à la base, mais là il va jouer vraiment de tout pour ambiancer les gens, pour que voilà, ça pas que l'after se passe vraiment, enfin voilà, que les gens kiffent leur after quoi. Et découvrent aussi du coup bah voilà, son install qui est vraiment incroyable. Bien, on parle des familles palestiniennes après avoir passé un premier titre, parce que là il est déjà 24 secondes. Et puis bah le temps passe et faut passer de la musique quand même. Je passe quoi? Bon, allez, on va un petit Los Casos là direct d'entrée, donc un morceau qui s'appelle Mais que fait la police, et ça va sortir sur un album en décembre. Là pour en découdre. Qui s'appelle Là pour en découdre, tout à fait, mon cher Sinoc. Voilà, petite exclu. Du coup, ça c'est une petite exclu, voilà, qui est pas encore sortie. On aura peut-être l'occasion d'écouter d'autres trucs à côté, mais ouais, je crois que c'est, à mon avis, ils se font leur projet, tournée, sortie de CD, etc. Et c'est cool. Donc en avant-première sur Radio Campus 16,6, c'est numéro 1 sur le Ska Punk. Voici Los Casos avec Que fait la police. Je ne comprends pas. Pourquoi tout oui, c'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On est tous d'accord. Ouais. Pyongyang City Rockers, numéro 364, avec Kawaii et Molotov. C'est qui fait Kawaii aujourd'hui? Bah, allez, aujourd'hui, c'est moi, tiens. C'est Molotov, cliché, moi. Comme par hasard. Alors, c'est quoi cette histoire de famille palestinienne exilée? Il y en a beaucoup qui sont Il y en a pas mal, ouais, qui essaient de se barrer. Dans le coin, ici, ou... Pour l'instant, c'est plus des contacts à Paname, le projet... Ouais. Enfin, pour le plus dans le concret, c'est en train de se préciser. Mais nous, l'idée qu'on se faisait, c'est qu'on voulait faire une soirée pour parler de cette question du génocide en cours. Donc, soit pour Gaza, la Palestine, et autant que pour le Liban, et pour l'ampleur que ça pourrait prendre. Ouais. Et du coup, donc, il y a l'idée de... Et ensuite, l'idée des thunes vient presque après. Là, on est en train de voir, normalement, il y a le comité palestinien lillois qui viendra faire une table de presse. On va essayer de filer un peu d'infos, etc. Que cette soirée ne soit pas tant autour de l'argent, mais autour de l'info. Et vu qu'on fait quand même un peu de maille dans ces soirées-là, que notamment Los Casos, Les Enfants Perdus, Yas Buddy, enfin tous les groupes qui viennent jouer, Roby, sont au courant et ont accepté plus ou moins de venir jouer quasiment gratos, alors pour un peu de défraiement ou même pas, histoire de faire de l'argent pour cette cause. Et nous, par rapport à ça, on se demandait à qui on voulait filer cette maille. Et plutôt, on n'avait pas forcément envie de le filer à des grosses ONG, des trucs qui en ont déjà bien assez, et où on a moins de visuels sur ce qui se passe de l'argent. Et on s'est dit, on a des contacts avec des personnes qui sont en contact ou qui accueillent des familles palestiniennes exilées. Et on trouvait que ce serait un endroit un peu en termes local presque. Enfin, on sait exactement où va la thune. Ça va à des gens qui viennent de quitter toute leur vie à cause d'un génocide, à cause des bombardements quotidiens, à cause de toute cette merde, qui se retrouve dans un pays, faut le dire, en termes d'accueil des personnes étrangères, on n'est vraiment pas au top, et qui du coup ont besoin de toutes les aides possibles et inimaginables. D'ailleurs, autant que certaines familles ont besoin encore sur Gaza, sur les zones occupées, sur les zones bombardées, d'avoir de la thune pour s'aider à sortir de cette merde, nous, on s'est dit, sur cette soirée-là, en tout cas, on s'est dit qu'on allait bien filer des mailles à des familles qui viennent de débarquer en France, des droits de rien du tout, et être très concrètement dans cette aide-là. Ils viennent de tout perdre, grosso merdo, leur réseau, leur logement, leur vie. Ils se retrouvent chez nous, et du coup, on voulait que l'argent aille directement à des familles comme As, et on a des contacts dans des collectifs, des personnes qui se motivent au quotidien dans cette lutte contre ce génocide. Et qui prend plein de formes, donc c'est informer, c'est ne pas se taire, il ne faut pas se taire sur ce conflit-là, et c'est aussi être dans le concret, et donc autant envoyer de la maille, des trucs logistiques là-bas, que d'être présent dans l'accueil pour les familles qui ont tout quitté pour venir ici trouver moins pire. Il y a tellement de besoins, que ce soit ici, enfin en Occident, on va dire, pour ceux qui ont réussi à se tirer du bordel, que ceux qui sont encore enfermés et qui se prennent encore des bombes sur la gueule tous les jours. C'est ça. De toute façon, toutes les initiatives sont bonnes à prendre et faut bien aider d'une manière ou d'une autre. Quoi. C'est ça. Et ça rentre dans un cadre d'ouvrir les frontières et un cadre militant qui nous touche aussi d'accueil inconditionnel et de droit à rester sur le territoire et à vivre sur le territoire. Et alors en ce moment, parce que moi je sais pas trop comment ça se passe des exilés palestiniens qui sont arrivés en France, il y en a beaucoup ou pas ? Les chiffres, je les ai pas. Je crois que oui, en ce moment tout le monde essaie de se barrer, autant de ça que du Liban. Et je sais pas, même pareil, savoir est-ce que les droits d'asile sont accordés automatiquement ou pas. On voit déjà pas mal de frontières que le droit d'asile en France n'est pas respecté comme le texte l'est, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui arrive sur le territoire français devrait avoir le droit de demander l'asile. Ensuite, la demande est jugée recevable ou non dans les deux semaines. Pour avoir pas mal brassé aux frontières, la France chie sur ce droit-là quotidiennement. Et des gens qui passent la frontière se font juste pushback sans raison, qu'elles soient de pays comme l'Afghanistan où il y a une vraie raison de demander l'asile, ou des pays comme le Maghreb, etc. Tout le monde se fait pushback de façon égale. Et du coup, je crois pas qu'il y ait un passe-droit pour les familles palestiniennes. J'ai pas envie de m'avancer sur des chiffres, sur des statistiques. Mais oui, il y a du monde. Enfin, je crois que beaucoup de gens veulent se barrer de Gaza actuellement, se retrouvent en France. Et c'est essentiel de pouvoir être là pour aider les personnes qui arrivent. D'accord. Et il y aura donc truc genre table de presse, discussion, enfin je sais pas. Table de presse, on va essayer d'avoir des prises de parole entre les concerts autant que possible. Table de presse, on va essayer de ramener de la doc. Il y a aussi le comité Palestine-Lille. Donc je crois qu'ils font partie, mais je sais pas, enfin c'est un collectif qui s'est pas mal créé à la fac et qui sont, je pense, reliés au réseau Urgence Palestine. Mmh. Qui normalement seront là aussi avec notamment un stand de vente prix libre de gâteaux, de sapes, etc. Donc ça c'est juste à confirmer. Et donc de l'info, nous on va aussi essayer de fournir de l'info et d'en parler entre les concerts. Et voilà, donc il y aura la musique, mais il y aura aussi cet aspect-là, se rappeler et ne jamais arrêter de parler de ce qui se passe actuellement en Palestine. C'est important, il y a à tous les niveaux. Hein, et, moi, le truc que je peux rajouter, c'est que même si vous faites rien, enfin, si vous faites pas de trucs style émission de radio ou organisation de concert, vous pouvez quand même en parler dans votre famille, à votre taf, si vous avez un taf, enfin, dans la rue, je sais pas, au bistrot. C'est un truc dont il faut, enfin, qu'il faut pas taire. Et ça, t'as complètement raison, quoi. Complètement. On passe de la musique, vu qu'on a beaucoup parlé. Ouais. Est-ce qu'on peut s'enchaîner sur une petite mini setlist, Elle et l'enfant perdu? Et ensuite, on pourra revenir sur Yas Body et sur peut-être des sons un peu plus à l'ancienne de Los Casos, avec un seul S. Allez, ouais. Let's go. Alors, l'enfant perdu, je mets quoi? Les enfants perdus, t'en as 4 sur la clé USB. Bien, ouais. Et on a un 5e. Le 2, il est bien. Le 2, il est bien. Moi, j'adore. C'est ce qui était le baraque. Je l'ai. Tu l'as, ce qui était le baraque? Non. Tu l'as pas, Stylo? Ouais, si je l'ai quelque part. Mais ça, attends, il est bien. On va commencer par le 2. Les HP. Oui. Ouais, je te jure. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. Allez, l'enfant perdu, qui passeront ce samedi 23 novembre au CCL. Et 23h. Profit, si je sens les horloges et sa langue à pied, poète, ça y est, c'est ça. Qui était le boutique. Non, le baraque. Non, il dit les deux. Il dit la baraque et la boutique. Ouais, je sais pas, j'ai pas bien écouté. Chez du patois wallon. Je dois confesser que j'ai pas bien écouté. N'aime bien les langues régionales, hein, tu vois, plus oui, ici. Régionales. Les patois, c'est t'en du patois. Ouais. Je peux passer un petit intermède. L'événement vidéo de la semaine, c'est bien sûr le nouveau clip de Schlass. Tu l'as vu? Non. Mais... Eh ben, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Ça s'appelle Travail Famille Connasse. Déjà, à écouter, c'est pas mal. Et à voir, c'est encore mieux. Pour une fois, une bonne utilisation des images de synthèse. Magnifique. Schlass, Travail, Famille, Connasse. En plus, ça suit bien avec les propos qu'on a eu avant. Donc voilà, live là. Voilà, Schlass, Travail, Famille, Connasse. Vous êtes d'accord hein, vous on a regardé le clip en même temps à côté. Franchement, matez-le et c'est perturbant. C'est perturbant, c'est bien. Ouais, c'est bien. Oui. Vous aimez la saucisse? Bon, ben voilà. On va voir combien de temps il va rester en ligne, en tout cas sur les plateformes officielles. Alors, revenons à nos moutons et à Kawaii et à Molotov. Ça y est, on a presque fini l'émission là. Alors que tu es en train de noircir tes post-it. Il décide à côté. Je suis sûr que t'as encore plein de trucs à dire, Sinoc. Non, vas-y, moi j'ai parlé assez. Maintenant, c'est à Kawaii de parler. Ok. Et bah du coup, allez peut-être un repoint vite fait sur la line-up. Du coup, la soirée elle commence à 21h avec Yas Body qu'on va écouter juste après. Ensuite, 22h, Les Enfants Perdus. 23h, Los Casos. Et après tout ça, Robbie, jusqu'à environ 3h du mat. Voilà, t'as voilà. Dit que c'était au CCL ? J'ai dit que c'était au CCL. On peut le redire, je sais pas. De Colmar. à Lille, non pas 4 rues de Lille à Colmar, ça serait emmerdant. Colmar, c'est loin. On pourrait faire ça, tiens, peut-être qu'il y a un local rue de Lille à Colmar. Ça, ah, pas bête. Ok, donc voilà, bon Steph, let's go. Tu nous as concocté. Il a retrouvé un petit Yas Body. Yas Body. Allez. Chta. Ah, moi c'est celui-là que je voulais mettre en plus. Très bien. Et bah, merveilleux. Et bah, c'est parti. Sur ce fond. Chta. Ah, si ça démarre. City. Force Yas. Ouais, ils se forcent Yas Body. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, je suis allé les voir vendredi dernier au Bunker Paillette. Ils ont assuré. Yas. C'est bon, il y a à manger. Hein oui, il y a à manger, ouais, c'est ouais. bien. Bon, c'est une belle petite salle, le Bunker Payette. Ouais, je t'ai ouais, encore c'est... jamais allé. Bon, perfectible au niveau du son, mais c'est une espèce de hangar aussi. Hein, faut... ouais, voilà, quoi. Il, bon, il paraît qu'il n'y aura pas de punk, par contre. Ils m'ont dit non, moi. Ils ont dit, ah, le punk, non, tu vois, non. Ouais. Mais bon, voilà, on peut porter réclamation. Prochain coup, tu fais comme quand on faisait dans les années 80, tu dis que tu fais du rock. Ouais, tu fais comme Yas Body. Il a dit, c'est de la funk, ils l'ont cru, c'est con. C'est vrai que quand il commence à s'énerver, c'est quand même très punk. Hein. Ouais, c'est on le verra peut-être s'énerver ce samedi. À fond, ça va être vénère. Ça va être bien. Scène. Youpi. Oui. Bon, on dit quoi maintenant? Eh ben, on dit à Cab. Ah non, c'est pas encore l'heure. C'est bon, il nous reste 10 minutes là. Je suis sûr que t'avais encore des trucs à broder, à inventer. Sinon, ben, qu'est-ce que tu as? On rappelle qu'on va avoir le seul groupe de ska de Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne est une ville qui a eu une politique anti-ska pendant quelques années avec le maire, comment il s'appelait, Truffon là. Truffon, qui était du RDR. Et qui avait en fait une allergie au cuivre, mais genre à la matière, et qui du coup a interdit dans Saint-Etienne tous les cuivres, et donc les groupes de ska en fait ont dû laisser la place à tous les. C'est pour ça que Saint-Etienne est une ville ultra punk actuellement. Enfin, on connaît les punks à chiens. C'est pour ça que Pierre Afeu pouvait pas y aller pendant un moment. Exactement. Voilà, on ne pouvait pas dans l'autre sens. Pas y aller, hein. Mais ouais, Saint-Etienne, Rennes et tout, ils sont dans le CPAC de France, donc le club des punks à chiens, et qui n'ont plus que ça du coup. Surtout Rennes. C'est surtout Rennes, oui, mais je pense que Saint-Etienne est quand même comparable à ce niveau-là. Là, tu me et donc il a fallu une lutte pour que les cuivres soient réinvestis à Saint-Etienne. Réintroduits, exactement. Et donc c'est là que Los Casos s'est créé dans cette lutte pour les cuivres à Saint-Etienne. Tu vois, il y avait plus de ska, plus de jazz. Il y avait plus de fanfares, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des fanfares. Il y avait le carnaval de Saint-Etienne, qui était un peu le petit frère du carnaval de Dunkerque. Bon, on est déjà dans la première. Les cuivres, grâce à Los Casos, ont été réintroduits. Ouais. Et donc, ça vaut le coup d'aller voir ce groupe historique, là, le CCL, le samedi 23. Là, on est déjà dans la première prise de parole, qui est une préfiguration de ce qui va se passer. Absolument, samedi au CCL, il faut le dire. On va aller sur scène et on le dira. Il y aura beaucoup de broderies comme ça. Robert Truffin, maire de Saint-Etienne, qui n'aimait pas le cuivre, on en reparlera. En long, en large et en travers. Ouais, et en travers. Nickel. Yeah. Enchaînez là-dessus maintenant. Sinon, Thibaut, tu voulais pas parler d'un concert de demain, vu qu'il reste 10 minutes Allez, à fond, let's go. En effet, il y a un concert à la cave aux poètes, Will You Please Die. Et en tant qu'un petit peu ambassadeur de la cave aux poètes ce soir chez les punks. Voilà, ambassadeur des punks la cave aux poètes ou l'inverse, je sais plus, ou les deux en même temps. Ambassadeur des poètes la cave aux punks. Ah, oh, ça pourrait être pas mal. Et les cuivres à la cave aux poètes, c'est comment? Eh bah écoute, ça dépend, il y en a qui passent pas le plafond, n'est-ce ils pas ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Depuis Marcel et son orchestre, c'est interdit. et voilà, donc We Hate You Please Die, qui est un groupe de Rouen, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais qui fait partie de ces groupes qui arrivent quand même un peu dans le punk à pousser à être sur ces scènes, on va dire un peu conventionnées. C'est un groupe qui existe maintenant depuis, enfin en tout cas leur première sortie c'est 2018. C'est comme ça que moi je les ai découverts à l'époque avec leur album The Kids Are Lo-Fi. Et on offre donc du coup deux places à Ch'ti Kapel pendant qu'on mettra le son. Je le dis au 03 62 26 89 18, je le redirai juste après. Voilà, et deux places pour ce concert, ça va être vraiment cool, vraiment, viendez à Roubaix. Il y aura également Grand Cru, un groupe qui nous vient d'Olpas-de-Calais, qui nous fait rock-punk, punk-rock à voir. J'ai jamais vu encore. Avec des paroles quand même un petit peu limite. Hein. Ah ouais, ouais. Ah, je ne sais pas, je connais pas encore, mais je vais découvrir. De coke, tu vois, bon, bref. Ah, allez. Oui. Ah, oui, bon, 03 62 26 89 18, 03 62 26 89 18. Et du coup, le morceau qu'on a passé musicale s'appelle Rita Baston, issu de leur premier album 2018. Voilà, voilà. Shock and fuck of the light. You can't see my fader. It's time to shock and fuck of the light. You can't see my fader. It's time to shock and fuck of the light. You can't see. Ooh. It's time to shock. passer en fond sonore, c'est Meet Ozil, qui anciennement Crocodile Dandies, qui vont passer vendredi à la Mule Solo avec Céphalée. Le titre, c'est Glockenspiel. Il joue de la cloche. C'est des cloches en cuivre, peut-être, je ne sais pas. rappelons donc notre rendez-vous de samedi. Samedi. Au CCL, vas-y. CCL. Balance. Ah, faut le faire du coup. Samedi au CCL, c'est une kawaii molotov. On accueille les copains de Los Casos de Saint-Etienne en mode ska punk énervé à 7 sur scène. Vous avez jamais vu autant de gens et d'instruments sur la scène du CCL. On sait pas comment on va faire. On va le faire quand même. Juste avant, t'auras les enfants perdus qui viennent de Bruxelles ou pas de Bruxelles. On sait pas, mais ça vient du plat pays juste à côté. Et ça va être super énervé en termes de punk. Et ça rentre dans le thème de la soirée. Parce que la soirée sera militante, sera en soutien à des familles palestiniennes qui sont exilées en France à cause du génocide en cours et à qui on va filer un peu de maille pour essayer de s'intégrer autant que possible dans notre pays de merde. Avant ça, il y aura Yas Body qui va nous faire du funk, punk, funk quand on joue au Bunker Paillette, punk quand on joue au CCL, ça s'adapte partout, c'est Yas Body. Et juste avant, pendant et après, ce sera Robbie 80s à la sélection, histoire d'avoir un peu de musique pour monter vers les concerts et pour en redescendre gentiment. Quand même Molotov à l'orga de ça, c'est le samedi 23 novembre au CCL 4 rue de Colmar, prix libre. Et voilà, j'ai vu les signes maintenant, faut vraiment regarder les signes. Arrêtez-le. Ouais, 58. Parce que, oui, 58-20, on n'a plus qu'un seul truc à dire. Ouais, je vous remercie déjà, les grands leaders. Merci grand pour l'accueil. Grand leader Célia, grand leader Steph, grand leader Jameau, merci force beaucoup. Force aux radios indépendantes, on parlait de Boomerang et de RCV tout à l'heure, et force à tous celles et ceux qui se bagarrent encore pour mettre de la musique sans pub et avec du goût. Pouette pouette, enfin sans pub, on a quand même fait de la pub pendant une heure là. La semaine prochaine, ça sera la 365e de Pyongyang City Rockers. Vous continuez d'écouter Radio Campus. D'ici quelques secondes, vous pourrez entendre Teeth Grinder. Et puis à partir de 22h, ça sera B-Boy Bouillabaisse. Ensuite, tous les programmes de campus, comme d'hab, il est 20h59. Et c'est presque le moment de rendre l'antenne, juste après que nous ayons dit. Agap. Oh, putain.